بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. Par le ciel et ses zodiaques, par le jour promis, par les témoins et l'objet de leur témoignage, que périssent les gens de Al-Ukhdud, qui persécutaient par un feu plein de combustibles ardents, autour duquel ils s'asseyaient pour assister au calvaire des croyants. إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. Il ne leur reprochait que de croire en Allah, le puissant, le digne de louange, qui détient le royaume des cieux et de la terre et est témoin de toutes leurs actions. إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ. En vérité, ceux qui ont persécuté les croyants, hommes et femmes, sans se repentir par la suite, subiront le châtiment de la Géhenne et de l'enfer brûlant. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. Quant à ceux qui ont cru en Allah et qui ont accompli des œuvres pies, ils seront admis dans les jardins où coulent les ruisseaux. C'est là le triomphe suprême. إن بطش ربك لشديد. En vérité, le châtiment de ton maître est fort terrible. إنه هو يبدئ ويعيد. C'est lui qui crée les êtres et qui les ressuscitera. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. Il est l'indulgent, le bienveillant, maître du trône sublime, il fait toujours ce qu'il veut. As-tu reçu le récit des armées, celles de Pharaon et de Thamoud? Les infidèles persistent à nier ce que le Coran dit à leur sujet, mais Allah les cerne de toutes parts. En fait, le Coran est une révélation sublime, inscrite sur une table bien gardée.